بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى كي نوزا كومبلي دو سي زاسيز، إك الله سبحانه وتعالى ريكومبونسون بيان ceux qui sont derrière cet outil avec lequel on se rencontre, nos frères qui s'occupent de cette radio qui est Taqwa, et tous les frères qui contribuent au déroulement de ces cours, que ce soit d'une façon ou d'une autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout un chacun de nous ce qu'il aime et ce qu'il agrée subhanahu wa ta'ala. Ô bien-aimé, il a été rapporté dans les authentiques et d'autres le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu arda. Le messager d'Allah a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien et lui donne la compréhension de la religion. Ata ibn Abi Rabah, un grand tabi'i, a dit, les assises du dhikr, ce sont les assises de l'illicite et du licite, c'est-à-dire comment vendre, comment acheter, comment prier, comment jeûner, comment se marier, comment divorcer, et les sujets similaires à cela. Qatada rahimahullah a dit, un chapitre de science que la personne mémorise pour se réformer et réformer d'autres auprès de lui est plus méritoire que l'adoration, c'est-à-dire l'adoration surrogatoire d'une année. Un chapitre de science que la personne mémorise et étudie pour se réformer lui-même et réformer les autres avec, après lui, est plus méritoire que l'adoration surrogatoire d'une année. Pourquoi ? C'est très simple. D'où cette parole de Qatada rahimahullah ta'ala, c'est très simple. Les choses que la personne maîtrise et enseigne à autrui, se réforme avec et aide les autres à se réformer avec, c'est un bien qui le dépasse. Alors que s'il prie, il jeûne, etc., s'il y a un bien qui est limité, ses bénéfices lui sont limités à lui-même. Quant à ce qu'il enseigne, ou les choses vers lesquelles il oriente les autres, etc., combien, ben cela, ça le dépasse. Et donc les récompenses sont encore plus. Et qu'on se rappelle, en tout temps et en tout lieu, que le bonheur de l'être humain est lié à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dans sourate Taha, verset 123, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, lorsqu'un guide viendra à vous de ma part, celui qui le suivra ne s'égarera pas ici-bas et ne sera pas malheureux dans le delà. Donc tout le bien est dans le fait de suivre la législation d'Allah et de suivre son messager alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Zad al-Ma'ad, le bonheur du serviteur dans les deux demeures, c'est-à-dire dans ce bas monde et dans le delà, il y est à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il est du devoir de tout un chacun qui est digne de conseil pour lui-même et qui veut le salut et le bonheur de son nefs, qu'il apprenne de la vie et de la voix et de la biographie du messager d'Allah, ce qui va le sortir du nombre des ignorants, et qui le fera entrer dans le nombre de ses suiveurs et de ses adeptes. Et il a dit, rahimahullah, les gens à ce niveau sont entre ceux qui ont peu de connaissances à ce niveau-là, et ceux qui en ont beaucoup, et d'autres qui en sont privés, et la grâce est entre les mains d'Allah, et il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zad al-Ma'ad. Donc voyez que, il te dit que le bonheur de la personne, dont les deux demeures, il est lié à la voix du messager, alayhi salatu wassalam. Pour l'obtenir, il faut apprendre cela. Et que, dans cette situation-là, concernant la biographie, la voix du messager, alayhi salatu wassalam, les gens sont divisés en trois. Ceux qui ont peu de connaissances de cette voix et de la biographie du messager alayhi salatu salam, et ceux qui en ont beaucoup, et une troisième catégorie qui est privée de tout cela. Ceci dit, notre nouvelle série est consacrée à ce qu'on appelle le sujet de l'heure. L'hiver est là. Et avoir des connaissances sur l'hiver et apprendre ce qu'il faut faire durant la saison d'hiver fait partie de nos obligations obligatoires que tout un chacun doit maîtriser. Car, comme vous le savez, il est des obligations collectives que c'est certains de la communauté les accomplissent, les autres ne seront pas dans le péché, mais il y a les obligations individuelles que tout un chacun doit accomplir. Et donc, ce qui concerne notre prière, nous devons apprendre. C'est une obligation individuelle. Comment on doit se comporter durant l'hiver, dans nos adorations et à tous les niveaux, c'est quelque chose qui est du domaine de l'obligation pour nous d'apprendre. Et comme tout le monde le sait, que la foi, l'iman, englobe le fait de croire en Allah et de croire en sa seigneurie. Il est le seul créateur, subhanahu wa ta'ala, il a la royauté absolue, et tout ce que contient cet univers de connu et d'inconnu à nous, lui appartient. C'est lui seul qui gère tout cet univers, et ce qu'il contient comme créature. Sur ce point, il n'y a pas eu aucune divergence. Notre souverain, subhanahu wa ta'ala, n'a pas envoyé les messagers pour appeler à la seigneurie, car ceci est inné dans la nature humaine. Tout le long de l'histoire, personne n'a prétendu qu'il crée quelque chose ou qu'il a créé quelque chose. Et personne n'a dit qu'il donne la subsistance à quelqu'un. Tout le monde reconnaît que c'est Allah qui est le créateur unique des cieux et de la terre et de ce qu'il contient et ce qui est entre les deux. Même Shaitan reconnaît qu'Allah est le créateur. Shaitan reconnaît qu'Allah est le créateur de toutes les créatures et personne d'autre qu'Allah ne gère cet univers. Même Pharaon, qui a prétendu être leur souverain le plus haut et qu'il ne leur reconnaissait aucune divinité en dehors de lui, et avec tout cela, il ne niait pas l'existence d'Allah. Et si quelqu'un a nié l'existence d'Allah, ce n'est qu'une parole qu'il prononce. قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. La traduction approximative du sens du verset, de ce verset dans Sourate An-Naml, verset 14, il y dit: ils les renièrent par transgression et orgueil, bien qu'en leur fort intérieur ils fussent intimement convaincus de leur véracité. Vois qu'il fut la fin des corrupteurs. Les fourmis, pas verset 14. Pharaon reconnaissait qu'il était créé et qu'il n'est pas le créateur et que c'est Allah, le souverain des mondes, qui est le créateur. Et quand Moussa, alayhi salatu wassalam, a accompli la preuve contre Pharaon, Pharaon n'a pas pu s'y opposer. Il n'a pas omis d'objection devant les arguments de Moussa concernant la souveraineté d'Allah. قال عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Donc dans sourate Isra, Voyage nocturne, verset 102, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Moussa a dit à Pharaon, tu sais bien que seul le Seigneur des cieux et de la terre a suscité ces miracles, comme autant de preuves claires, et je suis certain, ô Pharaon, que tu es voué à la perte. Le voyage nocturne, verset 102. Donc Pharaon n'a pas pu dire quoi que ce soit devant cette preuve claire que Moussa lui a dit. Donc Allah est le seul qui gère cet univers, qui fait pleuvoir et qui envoie les vents et qui crée les nuages et les fait bouger dans le ciel comme il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait voir aux gens par sa puissance le tonnerre, l'éclair. قال عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Dans Sourate la Concertation, verset 28, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. C'est lui, c'est-à-dire c'est Allah, qui fait tomber la pluie bienfaisante après que les hommes en ont désespéré et répond sa miséricorde. C'est lui le maître, le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah uniquement qui fait descendre la pluie après que les gens en ont désespéré, pour que cela motive les gens à être reconnaissants à Allah et à le remercier et à reconnaître ses grâces. C'est lui qui comble ses serviteurs de ses bienfaits et c'est lui à qui appartient toutes les louanges, subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Donc dans le verset, dans sourate l'inéluctable, verset 68 à 70, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou est-ce nous qui la faisons descendre? Ou est-ce nous qui la faisons descendre? Si nous voulions, nous la rendions saumâtre. Pourquoi ne vous vous montrez pas reconnaissant? Pourquoi vous ne montrez pas reconnaissant? Le verset nous dit ceci, voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou est-ce nous qui la faisons descendre? Si nous voulions, nous la rendions saumâtre. Pourquoi ne vous montrez pas reconnaissant? L'inéluctable, verset 68 à 70. Mais qu'on médite cette leçon dans ce verset. Le douce qu'Allah fait descendre pour boire, s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il la rendrait saumâtre, imbuvable. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et ce sont là les signes de la grandeur et de la majesté d'Allah et de sa grâce, subhanahu wa ta'ala, et de la grandeur et de l'immensité de sa miséricorde pour ceux qui sont doués de raison. Qala subhanahu wa ta'ala, ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Donc dans Sourat la Lumière, verset 43, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: ne vois-tu pas qu'Allah pousse lentement les nuages, puis les agrège et en fait un amas, dont tu vois ensuite tomber la pluie. Il fait tomber du ciel de la grêle issue de nuages grands comme des montagnes. Il en frappe qui il veut et il l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que la brillance de l'éclair note la vue de qui le suit du regard. La Lumière, verset 43. Donc à tout doué de raison, voit les traces et les effets de la création de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, il a tout fait à la perfection. Allah oriente les nuages par son ordre, où il veut, subhanahu wa ta'ala. Il réunit les nuages éparpillés et fait descendre la pluie où il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des gros nuages qui ressemblent à des montagnes, des grêles comme des cailloux. Il les fait descendre sur qui il veut parmi ses serviteurs et il les fait périr ainsi que leurs biens et il en préserve qui il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui fait voir aux gens les éclairs à travers les nuages. Cela prouve la grandeur et la majesté et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour des buts bien précis, Allah fait succéder les saisons et les temps à la perfection. Il fait alterner le jour et la nuit sur toute la planète dans une perfection qui n'a pas d'égal et dans un ordre qui n'a pas d'équivalent. قال عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Dans Sourate An-Nur, verset 44, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: Allah fait alterner la nuit et le jour, il en est en cela une exhortation pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Donc tout ceci, c'est une exhortation pour nous et pour tout un chacun donc, qui est doué d'une raison et qui a un cœur éveillé. Allah subhanahu wa ta'ala change les situations du jour et de la nuit. Des fois, l'un est plus long que l'autre. Comme l'hiver maintenant, les nuits sont plus longues que les journées. Et l'été, les journées sont plus longues que la nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala change les situations du jour et de la nuit. Des fois, l'un est plus long que l'autre. Des fois, ils sont égaux. Et dans cela, il y a une énorme exhortation pour ceux qui sont doués de raisons saines et qui ont des cœurs éveillés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là et qu'on soit parmi les attentifs aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les grands buts de l'alternation entre la nuit et le jour, Allah a fait la nuit pour le repos des humains et le jour pour la recherche de la subsistance. Qala azza wa jal wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasan. Donc, la traduction approximative du sens de ce verset, dont l'annonce imminente, versets 9 à 11, nous avons fait de votre sommeil un moment de repos, de la nuit un vêtement couvrant les humains de son obscurité et du jour un temps d'activité pour la recherche de la subsistance. Il ne faut pas que ces grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent la grandeur et la majesté d'Allah soient de la routine. Non, il ne faut pas qu'ils soient de la routine pour nous. Il faut méditer cela. Allah a fait de la nuit une couverture qui couvre la lumière du jour. Il y a un moment d'arrêt de l'activité pour le repos dont l'être humain a besoin. Et a fait du jour un moment d'activité et de recherche de la subsistance. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait les choses à la perfection subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Et dans sourate An-Nahl, les abeilles, verset 12, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la lune, de même que les étoiles soumises à son ordre. Il est en cela des preuves pour ceux qui raisonnent. Donc tout cet univers et ce qu'il contient doit nous amener à réfléchir à la grandeur et à la majesté de ce Créateur subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de la vie, qui nous a comblés de tous les moyens qui peuvent nous faciliter notre vie et pour lequel nous devons vouer notre culte. Nous devons être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre sa législation et accomplir ce que nous devons accomplir avec sincérité pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et pour cela, il est de notre devoir d'apprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout d'apprendre les obligations individuelles et ce qui concerne nos 24 heures pour les remplir comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir de comme il se doit ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 24 heures. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre service la nuit et le jour, la nuit pour notre repos, le jour pour la recherche de notre subsistance. Toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé les créatures pour lui réserver le culte exclusivement. Et il a accompli les preuves contre eux et a fermé la porte à toute excuse. En envoyant les messagers, alayhi salatu wassalam, et en descendant des livres au messager alayhi salatu wa salam, Allah a envoyé à chaque peuple un messager. قال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Donc, dans Sourate le Créateur, verset 24, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: nous t'avons envoyé avec la vérité pour annoncer et avertir. Hein, pour annoncer quoi? Le paradis. Et avertir contre l'enfer. Donc nous t'avons envoyé avec la vérité pour annoncer et avertir et née de communauté qui n'est reçue d'avertisseur. Donc ça veut dire toutes les communautés ont reçu un avertisseur qui les a avertis contre le châtiment d'Allah et qui leur a annoncé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils soumettent et suivent ses messagers. Ainsi Allah a accompli la preuve contre ses serviteurs. Allah a terminé la prophétie par notre messager alayhi salatu wassalam. Et nous sommes la dernière communauté. Avant chaque messager était envoyé à son peuple. Muhammad alayhi salatu wassalam a été envoyé aux deux mondes. Les humains, noirs, blancs, jaunes, ainsi que le jinn. Et Allah a accompli la preuve irréfutable avec l'envoi de Muhammad alayhi salatu wa sallam, que ce soit pour les humains ou que ce soit pour les djinns. Muhammad a été envoyé par Allah avec tout ce qui peut nous être bénéfique au niveau mondain et au niveau religieux. Allah l'a envoyé avertisseur contre le fait de prendre les chemins de Shaitan et annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui le suivent et suivent sa voie. Le prophète d'Allah a bien clarifié les choses qui prodiguent le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Un savant juif avait dit à Salman al-Farisi: votre prophète vous a appris comment faire un besoin. Salman lui a dit avec fierté: certes oui, il nous a ordonné de ne pas faire face à la Qibla et de ne pas lui donner le dos, c'est-à-dire au moment on fait ses besoins, on ne doit pas donner ni le dos à la Qibla, ni lui faire face. Et il a dit, il nous a dit aussi de ne pas s'essuyer avec un os, ni avec une crotte d'animaux. Le hadith est rapporté par, toute cette histoire de ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Vous voyez, ce prophète, alayhi salam, qui s'est soucié de l'hygiène de sa communauté, est-ce qu'il aurait omis quelque chose? Ce détail, il ne l'a pas omis. Comment il aurait omis tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui concerne les rapports que nous devons et le comportement que nous devons avoir avec nos gouverneurs, avec nos hommes de science, avec. Abadan, il a tout transmis. Et nous attestons qu'il a fait la grande transmission avec la plus grande des clarifications, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah nous a clarifié tout ce qui est bénéfique pour nous dans ce bas monde et dans le-delà. Donc, plus la personne apprend ce qu'a transmis Muhammad alayhi salatu wa sallam et le met en application, plus il augmente sa réussite. Ils sont succès, ils sont bonheur dans les deux mondes. Plus ils s'éloignent du mal. Notre nouvelle série, celle-ci, est consacrée à l'hiver. Et l'hiver, comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, l'hiver est la moitié de l'année et l'été est sa deuxième moitié. Cela est rapporté par le grand jurisconsulte Malikite Abu Bakr bin al-Arabi dans l'interprétation qu'il a fait du Coran, Ahkam al-Coran, au tome 4 à la page 1982. Al-Qurtubi, rahimahullah, a dit: ce qu'a dit l'imam Malik est juste, car Allah a divisé le temps en deux et ne lui a pas fait de troisième partie. Fin de citation. Allah a divisé le temps en deux, c'est-à-dire l'hiver et l'été. Et le mot hiver est cité, ainsi que le mot été est cité, tous les deux sont cités une seule fois dans le Coran. Dans Sourate Quraysh, قال عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. La traduction approximative du son du verset de la sourate de Quraysh, admirez la sécurité dont jouissent les Quraishites, dont leur usage consistant à voyager en hiver et en été. Qu'ils adorent donc exclusivement le Seigneur de cette maison, qui les a nourris après qu'ils eurent connu la faim et leur a accordé la sécurité après qu'ils eurent connu la peur. Donc, frère en Allah, Azzawajal, et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, la pluie peut être une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il peut être un châtiment, comme on le voit à travers le monde, avec les inondations et ceux qui s'ensuivent, regardez, des fois, on entend parler de ces vents et de ces pluies qui dévastent toutes des régions, hein, en Amérique et ailleurs dans le monde. Dans les authentiques, Aïcha radiallahu anha a dit, le jour où le vent souffle et qu'il y a du nuage dans le ciel, la peur se voyait sur le visage du messager d'Allah. Le jour où le vent souffle et qu'il y a du nuage dans le ciel, la peur se voyait sur le visage du messager d'Allah. Et quand il pleut, sa peur disparaît et il se réjouit de la pluie. Aïcha radiallahu anha wa ardaha l'a questionné. Il lui a dit, ô messager d'Allah, les gens, quand ils voient les nuages, ils sont contents. Les gens, quand ils voient les nuages, ils sont contents, espérant qu'il va pleuvoir. Et je vois, quand ils les voient, la peur se voit sur ton visage. Et je vois, quand tu les vois, c'est-à-dire quand tu vois les nuages, la peur se voit sur ton visage, au messager d'Allah. Le messager d'Allah lui a répondu, ô Aïcha, qui me garantit que ce n'est pas un châtiment? Qui me garantit que ce n'est pas un châtiment? Vous voyez comment notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il est quand il voit les nuages et quand il voit le nuage dans le ciel et le vent, comment la peur apparaît sur son visage. Et quand il pleut, il se réjouit, alayhi salatu wassalam. Dans une version, il disait, après la pluie, quand il pleut, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, rahma, rahma, miséricorde, miséricorde. Et, comme certains salaf ont dit, celui qui a une grande connaissance d'Allah le craint plus. L'imam Ahmad rahimahullah a dit vrai celui qui a dit cette parole. C'est-à-dire celui qui a dit que, celui qui connaît Allah, qui a une grande connaissance d'Allah, craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ben celui-là il a dit vrai, il a dit l'imam Ahmad. Nawawi rahimahullah, concernant le hadith qu'on vient de citer, dans l'interprétation qu'il a fait à Sahih Muslim, a dit, le messager d'Allah a peur que la communauté soit châtiée à cause de la désobéissance des gens. Il a peur que la communauté soit châtiée par le vent ou par la pluie à cause de la désobéissance des gens. Donc notre messager, la peur se voyait sur son visage le jour du vent et du nuage. Pourquoi? Car il y a des peuples qui ont été châtiés par le vent et d'autres par la pluie. Et regardez, même certains, malheureusement, même certains de nos frères et de nos sœurs, quand ils voient le vent, ils ont des expressions qui ressemblent aux expressions des mécréants. Encore du vent. Au lieu de faire dua, il pleut encore. Et nous devons faire très attention. Car c'est vrai que les sociétés dans lesquelles on évolue, ils ont de l'influence sur nous. Donc, nous devons nous préserver de ce genre d'expression. La pluie, c'est une clémence d'Allah, est une miséricorde. Comment utiliser les expressions des mécréants concernant cette miséricorde d'Allah, Azzawajal? Hein? Alors, hein? Donc, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a peur se voyait sur son visage le jour du vent et des nuages. Pourquoi? Car il y a des peuples qui ont été châtiés par le vent et d'autres par la pluie. Donc il convient aux musulmans dont le cœur est éveillé, dont la raison est saine et le cœur est éveillé, quand ils voient le vent et surtout les vents violents et du nuage, surtout les nuages qui ne sont pas ordinaires, qui n'ont pas une forme ordinaire. Soit ils sont énormes, soit ils sont trop noirs, soit ils sont accompagnés des éclairs et des tonnerres. Il faut que celui qui est doué de raison et qui a un cœur éveillé, il faut qu'il ait peur. Car ça peut être une colère d'Allah, ça peut être un châtiment d'Allah. Quant à celui dont le cœur est mort, il dit comme ceci, relaté dans le verset 44 dans Sourate Tour, hein, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, même s'il voyait tomber des pans du ciel, il dirait, ce ne sont que du nuage amoncelé, du morceau, hein, vont tomber, tombent du ciel, ils disent, hein, ce ne sont que, ils voient des énormes nuages dans le ciel, etc., hein, ils disent que ce ne sont que des nuages amoncelés, ils disent, ce n'est rien. Alors que ceux dont les cœurs sont éveillés et les raisons saines ont peur que ça ne soit pas un châtiment que Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Certes, quand la pluie tombe, c'est la miséricorde d'Allah. Et on voit bien, quand la pluie tombe, c'est la miséricorde d'Allah, la peur disparaît du visage du messager, alayhi salatu wassalam. Et sa peur se dissipe. Et la joie se voit sur son visage, alayhi salatu wassalam. Dans les authentiques, Aïcha radiallahu anha a dit, quand le vent souffle, le messager d'Allah dit, oh Allah, je te demande son bien, et le bien qu'il contient, et le bien avec lequel il a été envoyé, et je cherche ta protection contre son mal, et le mal qu'il contient, et le mal avec lequel il a été envoyé. Vous voyez cette énorme dua, c'est ce genre de dua que nous devons apprendre pour quand on voit les vents souffler, pour répéter ce dua. C'est un dua qu'il convient de dire au moment où le vent souffle, surtout les vents qui ne sont pas ordinaires, les vents forts et violents, et de demander à Allah ces trois choses que contient le vent. Le bien du vent, car il peut souffler et faire disparaître certaines choses nuisibles. Et le bien qu'il contient, car il se peut qu'il transporte des pandémies qui se propagent sur terre. Et le bien avec lequel il a été envoyé, car il se peut qu'il soit envoyé pour le châtiment. Donc on demande le bien du vent pour qu'il n'arrache pas les arbres, il ne détruit pas les demeures, car les vents sont envoyés par le bien ou par le mal. Et vous voyez ces vents violents qui balayent des fois des grandes villes à travers le monde. Donc on cherche aussi la protection d'Allah contre le mal des vents et le mal qu'il contient et le mal avec lequel il a été envoyé. Le peuple de Aad, à la vue d'un énorme nuage noir, ils ont dit, nous allons avoir la pluie. قال عز وجل, فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Dans Sourate Al-Ahqaf, verset 24, la traduction approximative nous dit ceci, concernant le peuple de Aad, apercevant un nuage s'étendant à l'horizon et se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux. Dans un autre verset, dans Sourate les vents qui éparpillent, قال عز وجل, وفي عاد درسنا عليهم الريح العقيم ما فذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Verset 41 et 42 dans les vents qui éparpillent, la traduction approximative nous dit ceci, de même pour le peuple de Aad, lorsque nous avons déchaîné contre eux le vent, De même pour le peuple de Ad, lorsque nous avons déchaîné contre eux le vent ne comportant aucun bien, qui ne laissait rien sur son passage sans le réduire en poussière. Hein? De même que le peuple de Ad, lorsque nous avons déchaîné contre eux le vent ne comportant aucun bien, qui ne laissait rien sur son passage sans le réduire en poussière. Tiens, un vent stérile. Il n'y avait aucun bien dedans. Il n'y avait que le mal dedans. Ce vent qu'Allah a envoyé sur Ad, en les décrivant de stérile, aqim, c'est-à-dire ne contenant aucun bien, plutôt il contient un énorme châtiment douloureux. Ce vent, levait les gens, comme il est rapporté, levait les gens vers le ciel, il les faisait tomber sur terre comme des troncs de palmiers vides. Donc, ce vent les a anéantis tous. Comme il est dit dans l'autre verset, قال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. L'Ahqaf, verset 25, le verset qui suit, celui de tout à l'heure, il dit, dans la traduction approximative du sens du verset concernant ce vent, envoyé sur Ad, détruisons tout par ordre de son Seigneur, on ne vit plus ensuite la moindre trace d'eux, hormis leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui sont coupables de mécréances. Les savants ont dit, détruisons tout et toute chose par ordre de son Seigneur. Le vent a tout détruit par l'ordre d'Allah. On ne vit plus ensuite la moindre trace d'eux, hormis leur demeure. C'est ainsi que les mécréants sont rétribués. Les savants ont dit, détruisons toute chose de laquelle ils profitaient et tirer un bien, et toute chose qui était l'objet de leur fierté, en disant, qui est plus fort que nous? Ainsi disait Ad, qui est plus fort que nous? Tout a été détruit, sauf leur demeure. Méditez la situation de Ad qui s'enorgueillait et disait, qui est plus fort que nous? Comme ces Européens de nos jours, hein, qui se voient, hein, dans des situations plus fortes que le Créateur subhanahu wa ta'ala, alors que un petit virus qui ne se voit pas à l'œil nu les a mis à genoux depuis plus de 2 ans maintenant. Et ils sont toujours inattentifs. Et ils baignent toujours dans, hein, la mer de la mécréance. Mais celui qui est doué de raison doit apprendre les leçons de ces grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entourent et de ces petits signes comme ces microbes que l'on voit et, hein, qui créent des pandémies et où les gens ne peuvent plus rien. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne les sauve pas, il ne dissipe pas ce mal. Il ne sera pas dissipé, mais il sera dissipé par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, l'être humain, il lui demande d'utiliser les moyens. Mais l'anéantissement de tout, de toutes ces maladies, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il l'aura décidé subhanahu wa ta'ala, une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper cette pandémie de la communauté musulmane. Donc le peuple de Had ont été détruits par le vent. Comme Pharaon, qui s'enorgueillait en disant le royaume d'Égypte, ainsi que ses fleuves, lui appartenaient. Et il a été détruit par l'eau. Hein? Il disait par orgueil que l'Égypte, ainsi que les fleuves qui coulent sur ses pieds, lui appartenaient. Et sa fin était, il a été englouti par l'eau. Il a été détruit par l'eau, ainsi que son armée. Qala Azza wa Jal. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. La traduction approximative du sens du verset dans l'ordre numéro 51. Pharaon s'adressa à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds, n'observez-vous donc pas? Et la fin de Pharaon était quoi? il a été détruit par l'eau. Et comme il dit le verset qui dit, et on ne vit plus ensuite la moindre trace d'eux, hormis leur demeure. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui sont coupables de mécréance. Ceci, ce n'est pas un châtiment réservé seulement à Ad, mais c'est un châtiment qui peut atteindre tous ceux qui leur sont similaires. Ils subiront les châtiments d'Allah, et ils subiront les châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétés pour eux et les châtiments qu'ils méritent. Donc il est de notre devoir, comme on espère la clémence d'Allah, d'avoir aussi peur de son châtiment, de sa colère, et d'être réveillé au moment où il y a les grands nuages dans le ciel, et au moment où le vent souffle très fort, où il y a des éclairs, il y a des tonnerres, d'avoir cette crainte qu'avait le messager d'Allah, Azzawajal, de se repentir, de faire dua, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala vienne le bien du vent, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection du mal du vent, de ce qu'il comporte, et de ce qu'il amène avec, et ainsi de suite. Alors, nous devons être éveillés, et il est de notre devoir de s'instruire sur notre religion et sur tous les sujets de notre religion pour pouvoir accomplir le suivi comme il se doit et pour pouvoir imiter les nobles compagnons d'Allah alayhim et ceux qui leur ont succédé et ceux qui les ont suivis à la perfection. Et le temps, il est compté pour nous. Et nous devons faire très attention avec quel manuscrit nous voulons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Fasallah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'i al-Husna, wa sifati al-Ula, an yurzuqna wa iyaakum al-fiqha fi al-deen, wa arzuqna wa iyaakum al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سلوه سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سلوه سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا سلوه سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين ويشافي مرضى المسلمين ويغفر لأموات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا